sale ton point flic. Fils de pute de flic. 9-4-3. Sale ton pour la flic. 400 yeah. L-U-M. Yeah. J'aime pas les flics. Ce fils de putain de flic. Hostile armé de mon fusil, un criminel. Vitez mes touilles sur le peu, ouais man. Vitez mes couilles sur le dîner de leur mère, mon rêve. Rouge périmètre, puis on 9 mm en pas des tours. Sinon le flingue, tu connais le cartel qui se distingue. Petit police depuis les premiers textes, négro pas de bluff, tous vérifiés. Des mythos et des buts qui s'expriment sur le sujet qu'on apporte. Chez nous c'est nique la PJ, la BAC, la brigade des stupes ou des mines depuis nos premières cartes. On met la haine depuis leur premier cadavre. J'oublierai pas l'histoire de mon frère Nordine tombé du toit lors d'une perquise. Que Dieu est grand frère, que Dieu est ton âme. Depuis la haine qui nous bouffe la tête, nous pas la flocrame. Les mal à haine nous sont un baptême, une boucherie. Le temps est sale pour un flic, demande à Billy Blanco ou à la VIP. Comment on baisse ta République en pas de mon ghetto. Yeah. Cappuccino allume la mèche, fait exploser le shérif. Pour tous nos jeunes en péril, les gros c'est nique la police. Les petits s'achètent des proliques. Trop souvent on se dessert. Un sale temps pour la flic. En bas de chez nous c'est tragique. Ça coup, y'a trop de flics alcooliques. Du coup, dans nos sites illicites, on est tous anti-chemisseurs. Un sale temps pour la flic. Viens faire un tour où j'habite. Dans nos cours insolites, les flics tuent nos acolytes. CLIM 400 yens, P au bois à la baie. Pont de Sèvres et les autres quartiers délabrés. Les Schmitt aiment nous marbrer. Donc j'encule le préfet, le peine et mes crèmes. Ça baisse sans regret. C'est fuck, tu les laisses couper Gine Navarro. Cette bande de Navalo n'ont rien à super héros. Y'a trop de bavures, trop de points de suture, trop de pourriture. Dans le gomico de ta hure, j'te jure, c'est dur. D'être un mec de test, l'état nous oppresse. Laisse, ils veulent nous tenir en laisse. Mais qu'est-ce qui veut ce fils de pute? Le jour où il postule chez la brigade des stupes. Y'a trop d'abus de pouvoir, trop de sang dans nos couloirs, sur le trottoir. Les stars font les stars le soir. Drôle d'histoire. Père, mes frères de Saint-Paul à Bois d'Arcy. Les petits s'achètent des proliques. Trop souvent on se dit. Un sale temps pour la flic. En bas de chez nous c'est tragique. Ça coup, y'a trop de flics alcooliques. Du coup, dans nos sites illicites, on est tous anti-chemisseurs. Un sale temps pour la flic. Viens faire un tour où j'habite. Dans nos cours insolites, les flics tuent nos acolytes. Et mon ghetto n'aime pas les forces de l'ordre, n'aime pas l'uniforme ni les rapports de force dangereux. Comme une ambiance corse, on apprend à vivre avec les bavures des flics. Oh, c'est la merde, trop de ferment qu'à l'appel. La police est ferme ta gueule quand ils m'interpellent. Pose ton gun, arrête de jouer les mains. On sait que tu rases les murs quand tu as fini ton taf. Brigitte toujours à la cave ou à l'hôtel parce que t'as pris des baffes. Toi derrière l'école, tu te sens fort. Un pare-balles, un col, tu joues les cowboys, espèce de petit fils de pute. Si t'es un flic facho, t'es qu'un fils de pute. Si tu kiffes les expulsions, t'es un fils de pute. Le ghetto applaudit vite, l'enterrement d'un flic, c'est maladif. Maladif, parce qu'il y a des morts sur les portes. Les petits s'achètent des proliques, trop souvent on se dessert. Un sale temps pour la flic. En bas de chez nous, c'est tragique, sale coup, y'a trop de flics.